Mapé filho de Portas, do Barreto e mais alguém. O Mapé filho de Portas, do Barreto e mais alguém. As aranhas andam rico transformado em democrata. As aranhas andam pobres sem saber quem um maltrata. As aranhas andam pobres sem saber quem um maltrata. As aranhas te vi hoje soldado na casamata. Militares colonialistas entram já na tua casa. Militares colonialistas entram já na tua casa. Vinho velho, vinho novo, tudo a terra pode dar. Deem as pipas ao povo, só elas está a guardar. Deem as pipas ao povo, só ela está a guardar. Anda cá baixo ao leixo, vem partir o fundo ao tacho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Quanto mais lhe vejo fundo, mais pluralista o acho. Os barões da vida boa vão de manobra em manobra visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. Visitar as capelinhas, vender pomada da cobra. A palavra socialismo como está hoje mudada. De colarinhos à Texas sempre muito aperaltada. De colarinhos à Texas sempre muito aperaltada. Altada. Sempre muito aperaltada, fazendo vida a vitória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. Para enganar o proleta, hás de vir comigo à glória. O Vili Brando é macaco, o Giscard é macacão. O capital parte o coco, só não ri a imigração. O capital parte o coco, só não ri a imigração. De caciques e de bufos mandei fazer um sacrário. Para pôr no travesseiro de um cura reacionário. Para pôr no travesseiro de um cura reacionário. Não sei quem seja de acordo, como vamos terminar. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. Vinho velho, vinho novo, vivo ao poder popular. Mas a voz do nosso povo dia do julgamento te dirá a ti, ó mar, e dirá de vento a vento quem são os traidores, se é quem nos rouba o pão ou se nós os desertores e a guerra dizemos não. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, o Alentejo a viu morrer. Serranas viram em vida, balançam a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Baleizão a viu morrer. Bonsoir Jean, tu m'entends? Oui, oui, oui. Ah, c'est parfait. C'est du José Afonso que tu passes? Maintenant, vous êtes. Pardon, maintenant tu es sur antenne. Ah, bonjour Hans. Bonjour Jean. Merci de nous accorder cette interview par téléphone. Avec la situation, c'est un peu compliqué, donc voilà, ça facilite les choses. Oui, je voudrais dire tout de suite un grand merci à Radio Air Libre, aux journalistes bénévoles dont tu fais partie, de poursuivre l'action d'information, de débat de culture. Voilà, vous êtes tous au front de l'information, c'est aussi un travail, ça demande une prise de courage, et vraiment, je tenais avant toute chose à te remercier, Hans, et à remercier toute l'équipe de Radio Air Libre. Ben, merci à toi, Jean, en tout cas. Voilà, donc, si on parle ce soir, c'est parce que tu viens de sortir un livre qui s'appelle La Commune des Lumières, une utopie libertaire, Portugal 1918. Mais vous avez bien sûr, enfin toi, tu as fait bien sûr plein d'autres choses avant. Vous avez oui. Tout un parcours. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Écoute, je suis journaliste à la base, et donc j'ai travaillé pendant des dizaines d'années comme journaliste avec. Dans différents médias et avec des statuts différents. Mais j'ai eu la grande chance, parce que j'ai 65 ans, donc je suis retraité depuis 3 ans, les 15 dernières années, 14 dernières années, d'avoir enseigné à l'école de journalisme de l'IEX à Bruxelles. Ah oui. Et j'étais aussi responsable des relations internationales. À l'IEX, donc des formations en journalisme européen notamment. Oui. Et déjà depuis 2012, j'ai commencé à écrire des livres. J'ai commencé par écrire un livre aux éditions Aden, que tu connais certainement. Oui. Qui s'appelle C'est un joli nom, camarade, où je faisais une biographie chaleureuse de mon grand-père maternel. Oui. Qui avait été résistant pendant la guerre, et donc c'est un hommage aux gens qui résistent, qui s'engagent. Et il avait été capturé par la Gestapo en 43, il avait fait des infâmes camps de Brendonk et de Buchenwald, et puis comme ce livre est passé de main en main, a eu un certain succès, un modeste succès, ben ça m'a encouragé à continuer à écrire des livres. Oui. J'ai écrit plusieurs livres dont l'action se passe au Portugal. Alors pourquoi ? Parce que c'est la petite histoire, que je suis marié avec une Portugaise depuis pas mal d'années. et une portugaise de l'Alentejo. Et c'est, bon, j'ai appris la langue, je parle couramment portugais, et je m'intéresse en particulier à la région de l'Alentejo, qui est où se passe l'action de la Commune des Lumières et qui est une région grande comme la Belgique, très vaste, mais avec très peu de population. Il y a 600, 700 000 habitants. C'est une région, pour expliquer un petit peu aux auditeurs de Radio Air Libre qui connaissent pas, c'est une région qui est située au sud de Lisbonne, au sud du Tage, qui forme une frontière géographique et culturelle entre le nord et le sud du Portugal, oui. Et au nord de l'Algarve, qui est cette région touristique infestée par le tourisme de masse. Voilà. Alors j'avais écrit un premier livre sur l'histoire de la fameuse chanson Grande de la Villa Morena de Zeca Afonso, qui a servi de signal de départ à la révolution des œillets le 25 avril 1974. Ça paraît loin, mais en même temps c'est encore très récent. Oui. Et c'était une réflexion sur la manière justement dont des journalistes et des chanteurs, des poètes peuvent jouer un rôle de catalyseur dans des révolutions. Et puis il y a 2 ans, écrit un livre où je dénonçais bien sûr les turpitudes de l'esclavagiste Christophe Colomb. Oui. Mais ce livre était aussi une enquête sur la forte probabilité que Christophe Colomb fût en fait d'origine portugaise. J'ai fait une enquête dans l'Alentejo à ce propos. Et ce livre se voulait aussi une réflexion critique sur la façon dont on fait l'histoire, oui. Ou plutôt dont on la déforme souvent. Voilà, et puis il y a ce troisième livre portugais écrit en français. Sur cette commune anarcho-communiste en plein Alentejo, une expérience qui est tout à fait pionnière même au niveau de l'Europe, pas seulement du Portugal, et qui s'est développée de 1916 à 1918. Oui, en fait, c'est quand on parle d'histoire sociale au Portugal, apparemment, il n'y a pas tellement de choses qui ont été étudiées ou écrites. Non, peut-être plus encore qu'en Belgique ou qu'en France. Ben, on vit dans l'instant immédiat. Hein, c'est un travers de la société d'aujourd'hui. Et il n'y a pas énormément d'historiens, d'écrivains qui racontent l'histoire, même l'histoire contemporaine. Et surtout, spécialement peut-être au Portugal, l'histoire est bien trop souvent racontée par les puissants, par les gens qui ont le pouvoir, les luttes sociales, le champ social, c'est pas vraiment un domaine qu'on investigue beaucoup, et bizarrement, cette histoire extraordinaire de cette commune libertaire dans un petit patelin au bout du monde, dans l'Alentejo, eh bien, elle n'avait pas fait l'objet de grandes publications, de beaucoup d'intérêt. Et donc j'ai essayé à ma manière, humblement bien sûr, de pallier un manque à ce sujet, parce que j'ai pensé que cette histoire de la commune des Lumières dans l'Alentejo n'a pas seulement un grand intérêt pour le Portugal, mais aussi pour les peuples d'Europe, pour nous en Belgique, à Bruxelles, et surtout à dans la manière dont cette commune, on va y venir, s'est développée, a été créée, l'esprit de cette commune, elle revêt, j'ai trouvé, une extraordinaire actualité, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement riche de leçons pour non pas faire un copier-coller entre ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle et aujourd'hui, mais pour s'inspirer vraiment d'éléments extrêmement intéressants pour nourrir et nos luttes aujourd'hui dans un cadre très différent, mais par rapport auquel il y a eu des ingrédients très, très qui est plein d'actualité dans l'expérience de la commune des Lumières. Oui. Donc, se pencher sur le passé pour mieux comprendre le présent, et en comprenant mieux le présent, c'est pour changer le futur. Ah, c'est bien dit ça. Et comment vous avez trouvé cette histoire de cette commune ? Alors, c'est comme souvent un peu par hasard. Donc, je te disais, Hans, que J'ai consacré quand même des mois de reportage dans la région de l'Alentejo sur les traces de cet infâme Christophe Colomb. Oui. Et comme à mon habitude, moi je ne suis pas historien, je suis journaliste, je suis à la limite historien amateur, autodidacte. Et j'essaye de croiser quand je fais des livres. De croiser une démarche de journaliste, de reporter que j'ai pratiqué pendant des années avec une démarche d'historien. Donc je mélange un travail classique d'archives, de lecture d'écrits avec le contact direct avec les gens sur place. Et il se fait qu'en enquêtant sur Christophe Colomb, moi j'aime bien aller dans les tavernes, dans les petits cafés, oui. Parce que c'est un peu la maison du peuple. En Alentejo, rencontrer les gens, discuter, boire le coup avec eux. Et c'est là que j'ai appris il y avait eu un personnage assez extraordinaire au Portugal, dont les plus anciens, les plus vieux se souviennent dans les cafés, une espèce de vagabond avec une très longue barbe, des cheveux très longs, donc ce vagabond s'appelait Antonio Gonzalves, c'est lui le fondateur de la Commune des Lumières, oui. qui avait l'habitude, sous le fascisme, donc le fascisme a duré très longtemps au Portugal, hein, c'est entre 1928 et 1974, avait l'habitude, dans les années 30, les années 40, d'aller au marché de la ville principale du Alentejo, qui s'appelle Beja, d'acheter des cages d'oiseaux c'est une tradition au Portugal de mettre des canaris en cage dans les cuisines, c'est très populaire. Oui. Il les achetait et puis il ouvrait les cages, les oiseaux s'envolaient vers le ciel et devant tous les badauds, les consommateurs, les passants, ils criaient d'une grosse voix « Vive la liberté, vive la liberté, vive la liberté !» C'était une façon de dire à bas le fascisme « Vive la liberté !» Tout le monde applaudissait et avait compris que c'était une blague et une manière détournée, indirecte, de faire un pied de nez à la gendarmerie et de dénoncer le fascisme sur les marchés. Et ce personnage, alors je me suis dit « Mais au fond, c'est intéressant !» Et je me suis dit je vais aller un peu plus loin. Qui était-il? Oui. Oui. Je me suis aperçu qu'il était né en 1886, il est mort en 1967, et qu'il était en fait représentant de commerce. C'est quelqu'un qui vient d'un tout petit village, qui avait fait que 3 ou 4 années d'études secondaires, mais qui était un véritable autodidacte, qui fréquentait les bibliothèques et qui a lu énormément et qui a d'abord été républicain, puis convaincu par les vertus de l'anarchie. Qui avait le gros avantage, comme voyageur de commerce, de visiter tous les villages pour vendre sur catalogue des produits aux petites merceries, aux épiceries, etc. Et il connaissait très bien tous les villages de l'Alentejo. Il connaissait les souffrances aussi de l'Alentejo à cette époque. Il faut savoir quand même que au début du siècle dernier, les gens mouraient littéralement de faim. Il y avait une pauvreté incroyable. Et donc j'ai appris, à travers l'enquête, qu'il avait créé cette commune de lumière, et ça, vraiment, ça m'a mis en appétit, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et en fait, en Alentejo, si je le prononce bien, c'est une région avec des grands propriétaires et des gens pauvres qui travaillent comme journaliers, en fait, sur les grandes propriétés, c'est ça? Oui, tu as tout à fait raison, Hans. C'est un peu comme en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Donc il faut savoir, le Portugal, encore aujourd'hui, hein, il est vraiment divisé en deux. Le nord du Portugal est plutôt un régime de petites propriétés. Ce sont des zones plus montagneuses, aussi très catholiques, très pratiquants catholiques. Et le sud de l'Alentejo, depuis des siècles et des siècles et des siècles, est dominé par une agriculture, effectivement, depuis le temps des Romains, de l'occupation romaine, par des grands domaines et tenu par des latifundistes, donc des très grands propriétaires fonciers. Du coup, les paysans, jusqu'il y a peu, travaillent comme salariés et non pas comme petits propriétaires, comme c'est plus le cas au nord du Portugal. Ils travaillent collectivement, très durement, une terre qui ne leur appartient pas. Et jusqu'à la révolution du mois d'avril en 1974, où les choses ont bougé, heureusement, en mieux, mais ils vivaient comme des semi-esclaves, c'est-à-dire qu'ils n'avaient du boulot que de temps en temps. C'était pas des contrats d'emploi à l'année, mais des contrats à la journée, en fonction des besoins de ramasser les olives, ou de planter le blé, ou de couper le blé. Et donc la pauvreté était vraiment extrême, en particulier dans cette région du Portugal. Oui. Voilà, qui a ses particularités, ses charmes. Au Portugal, encore aujourd'hui, on se moque un peu des gens de l'Alentejo, un peu comme les Français de Paris vont se moquer des Corses. Mm-hmm. Il fait très chaud en été dans l'Alentejo, et travailler au champ du lever du soleil au coucher du soleil, c'est extrêmement fatigant. Et donc il y a une espèce de condescendance des gens nantis par rapport aux gens de l'Alentejo. Et moi, qui connais, grâce à ma femme, grâce à mes nombreux voyages là-bas, la connaissance de la langue, etc., je connais quand même un petit peu l'Alentejo. Je suis parfois révolté de l'image qu'on donne des gens de l'Alentejo, parce qu'en réalité, c'est pas du tout une région attardée, que du contraire. C'est une région de grande culture, même si les gens étaient, il y a un siècle, très majoritairement analphabètes. C'est une région de poètes populaires. C'est une région où les gens, depuis très longtemps, ont une habitude de penser librement. Donc il y a des églises, mais elles se font discrètes au sud du Portugal. Les gens ont une spiritualité, mais en réalité, elle n'est pas soumise à l'autorité des prêtres. Les gens ont une mentalité très collective. Il y a une grande richesse humaine, poétique, culturelle. Pour résumer une formule, je dirais que dans l'Alentejo d'aujourd'hui, ce qui domine les villages, les cathédrales, ce ne sont pas les églises, mais ce sont les bibliothèques. Qui ont été créés dans chaque village depuis le 25 avril, depuis la Révolution, spécialement en Alentejo. Il y a dans chaque village des bibliothèques très bien fournies et dans lesquelles il y a beaucoup de gens qui viennent lire les journaux, qui empruntent des bouquins, etc. C'est vraiment une région particulière. En plus, on est à Radio Air Libre, c'est une région très à gauche politiquement. Oui. Si l'on additionne toutes les tendances de gauche, socialistes, communistes, extrême gauche, écologiste, etc. L'Alentejo, c'est 75 à 80% de la population qui vote pour ces partis. C'est certainement une exception rouge dans l'océan bleu de l'Europe de plus en plus néolibérale. Ok. C'est pas sans me plaire, je dois l'avouer. Oui. Je propose qu'on passe une petite musique avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, donc avant de parler vraiment de la commune en profondeur. Donc je passe une petite musique et on revient dans 5 minutes. Ça va? À tout de suite. À tout de suite. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram em vida, valeizão a viu morrer. Serranas viram em vida, valeizão a viu morrer. Valeizão a viu morrer. Valeizão a viu morrer. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. Ceifeiras na manhã fria, flores na campa lhe vão pôr. ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou, ficou vermelha a campina, o sangue que então brotou. Campina, que o teu pranto não findou. Acalma o furor, campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Branca, todos a querem para si. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Oh, Alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. As asas para voar, aquela andorinha negra bate as asas para voar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia has de cantar. Oh, Alentejo esquecido, ainda há um dia has de cantar. De cantar, ainda um dia has de cantar. Nous revoilà, Jean. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Hein. Super. Et franchement, j'ai envie de te dire avant de poursuivre notre dialogue que je suis extrêmement ému par la chanson que tu viens de passer sur les ondes, qui dont l'action se passe en Alentejo. Oui. Alors je n'entendais pas très bien, mais je connais cette chanson et tu permets que je dise deux mots de cette chanson? Oui, bien sûr. En fait, c'est une chanson de Zeca Afonso, justement le chanteur poète emblématique. Au Portugal, qui a composé Grande de la Vila Morena, la chanson qui a déclenché la révolution du mois d'avril. Et cette chanson, c'est une chanson en hommage à une paysanne qui s'appelait, oui, Catarina Eufemia. Exactement. Et qui travaillait avec de ses camarades dans les champs, voilà, dans les années 50. Et il y a eu une grève des paysans. et réprimée par la gendarmerie, et elle s'est avancée toute seule comme femme en revendiquant au nom de son groupe de camarades, et un gendarme l'a tuée, donc a pris son fusil, l'a tuée. Catarina Eufemia, c'est devenu un emblème au Portugal, donc ça se passait dans les années 1950, il n'y a pas tellement longtemps. Elle était apparemment enceinte aussi, et chaque année, il y a une commémoration en hommage à Catarina Eufemia. Cette magnifique chanson, avec cette voix si sensible de Zeca Afonso, est un hommage à Catarina Eufemia. Oui. Et il dit dans cet Alentejo, queimado, brûlé par le soleil, dans cet Alentejo esquecido, oublié, isolé, etc., jamais, Catarina, on oubliera ce que tu as fait, ton sacrifice. C'est vraiment le peuple ne pardonnera jamais à celui qui t'a tué, ne pardonnerait jamais. Et c'est une chanson sur un rythme de mélodique des travailleurs qui vont travailler au champ, qui est vraiment typique du chant de l'Alentejo, de la poésie et de l'esprit de fraternité qui règne dans cette région. Modèle en Europe. Je dois avouer que moi, je ne me connais pas du tout en musique portugaise, mais heureusement, il y a ce site internet, un site italien qui s'appelle antiwarsongs.org, qui rassemble des chansons de partout dans le monde. D'abord, des chansons pacifistes, mais ça va dans tous les sens. Tu as fait, Hans, un choix formidable. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, mais peut-être qu'on peut aller dans le vif du sujet. Ouais, donc la commune des Lumières. Donc c'est Antonio, notre ami Antonio, qui a fondé la commune en 1916. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Longue histoire. Donc je disais tout à l'heure qu'Antonio Gonçalves, il s'est nourri, il est devenu... Je suis toujours intéressé de savoir comment les consciences se forgent, comment on s'engage socialement. Antonio Gonçalves a énormément lu quand il était jeune, qu'il a commencé à travailler à 10 ans à Beja, qui est la plus grande ville du bas Alentejo. Et il a lu beaucoup de livres anarchistes, notamment un livre qui a été à l'époque, donc tout début du siècle dernier, un véritable best-seller du célèbre anarchiste Kropotkin, et qui s'appelait La conquête du pain. Oui. Et c'est un livre qui a eu un très grand succès au Portugal, qui a vraiment conscientisé beaucoup de gens, et notamment un succès en Alentejo, parce que le titre même, La conquête du pain, touchait vraiment les gens dans ces régions rurales dominées par les latifundistes. Donc les gens travaillaient comme des esclaves et n'avaient même pas droit aux fruits de leur travail, étaient dépossédés du fruit de leur travail si dur. Et La conquête du pain... comment se fait-il que les gens qui coupent le blé n'ont pas le droit à se payer des pains qui nourrissent la famille? Et donc, il y a eu chez Antonio Gonçalves cet apport intellectuel, cette connaissance qu'il a eue. Le premier livre qu'il a lu, c'était Germinal de Zola, un livre qui était assez vite traduit en portugais. Il était très enthousiasmé par ses lectures. Et puis, il y a ces contacts humains, sociaux, dans les villages, dans les hameaux, où les gens souffraient beaucoup. Il n'y avait pas de quoi se payer un médecin. Donc, beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Les gens attrapaient facilement la tuberculose. Il y avait l'alcoolisme, quand même. Et puis, petit à petit, avec l'avènement de la République, donc il faut savoir qu'en 1910, la monarchie, qui était le régime portugais, monarchie très cléricale, a été renversée par un régime républicain, qui a soulevé pas mal d'espoirs et d'espoirs qui ont été déçus par après. Mais le régime républicain a a enlevé la censure sur la presse, a rétabli quelques libertés fondamentales comme la liberté de réunion, d'expression, etc. Elle a été beaucoup moins favorable aux travailleurs et au social, mais sur le plan institutionnel, ça a été une avancée. Bon, il y a eu aussi la confiscation des biens du clergé et la séparation de l'État et de la religion, et aussi un grand coup de pouce donné à l'éducation et en particulier à l'école primaire, alors qu'il y avait un taux d'analphabétisme extrêmement élevé dans le pays, et surtout en Alentejo. Et les anarchistes, donc Antonio González, qui au début était tout feu, tout flamme pour la révolution républicaine, a été assez vite déçu, comme beaucoup de gens au Portugal, par le fait que rien ne changeait dans la condition misérable des travailleurs, que ce soit à la campagne ou dans les villes. Mmh. Ils étaient exploités, ils étaient poursuivis, ils étaient mis en prison. Et donc Antonio González, par ses lectures, par ses rencontres aussi, est devenu ses ralliés une année ou deux après le 1910, après l'avènement de la République, s'est rallié au courant anarchiste. Il faut savoir aussi, Hans, pour bien comprendre un peu la réalité du Portugal à l'époque, c'est que en fait le mouvement social-démocrate était très faible au Portugal, était très faible, et que donc en fait la première tâche des anarchistes au Portugal, qui se sont à la fin du 19e siècle, qui ont commencé à essaimer à partir des villes et puis à conquis les campagnes. Mmh. Le travail, c'était surtout, pas de prendre le pouvoir par le biais parlementaire ou politique, mais de développer le syndicalisme, c'est-à-dire des méthodes d'auto-organisation des travailleurs. Et de lutter partout contre l'analphabétisme, en créant des écoles du soir, d'éducation populaire pour les travailleurs, en créant des bibliothèques, en créant des journaux. Donc ils ont profité de la levée de la censure pour les anarchistes, qui ont commencé à gagner vraiment en puissance au début du siècle, du 20e siècle. Oui. Ils ont créé des dizaines et des dizaines de titres de journaux qui contribuait à mobiliser les gens, à partager les nouvelles et à former une contre-information, parce que les médias écrits à l'époque étaient tous dans les mains du capital, quoi, de la bourgeoisie portugaise. Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays aussi. Donc, fin 19e siècle, d'un côté, il y avait des anarchistes qui étaient plutôt dans l'acte, disons. Oui. Et puis, la grande majorité des anarchistes, en fait, est partie dans les syndicats ou dans les initiatives sociales. Oui. Et alors, il y a eu un phénomène. Il y a eu la guerre. À partir de 1916, d'abord en Afrique et puis dans le nord de la France, les républicains ont envoyé au front des milliers de jeunes portugais pour une guerre en France qu'ils considéraient comme une guerre impérialiste, quoi, sur les traces de Jean Jaurès, quoi. Oui. Les peuples n'avaient qu'à perdre de ces guerres, et le mouvement anarchiste a gagné aussi beaucoup durant la Première Guerre mondiale, parce que la majorité des anarchistes portugais, en fait, se sont déclarés pacifistes sur les traces des spartakistes en Allemagne, de Rosa Luxemburg ou de Jean Jaurès, alors que dans d'autres pays européens, les anarchistes étaient fortement divisés sur le fait de soit soutenir la guerre contre les Allemands, mais qui était une guerre d'impérialistes contre d'autres impérialistes, ou soit avoir une vision pacifiste, universaliste, sans frontières. Et très majoritairement, les anarchistes au Portugal se sont positionnés contre la guerre, ont poussé les jeunes miliciens envoyés dans les boucheries à déserter. Mmh. Et González était le fer de lance dans l'Alentejo de ce mouvement pacifiste. Et grâce à cette option, les anarchistes, alors je parle justement pendant la période de la guerre, 14-18, ont gagné encore de l'influence, en particulier dans la Alentejo. Oui. C'est une particularité du Portugal et peut-être d'autres pays, comme tu le disais, sans doute de l'Espagne aussi. Oui. Les anarchistes sont devenus, à cette époque-là, la première force d'opposition à la bourgeoisie. Oui. Et alors, un élément qu'on peut noter aussi, et qui était présent, on va revenir très concrètement à la Commune des Lumières, mais c'est que, en réalité, les frontières, la révolution d'octobre en 1917 en Russie, a eu un grand écho positif auprès des anarchistes. Oui, bien sûr. Parce que, bon, après cette révolution bolchevique a tourné au vinaigre, avec l'autoritarisme de Lénine et le centralisme et la fin des soviets, mais les deux mots d'ordre de la révolution au départ, c'est-à-dire tout le pouvoir aux soviets, à des assemblées libres, autogérées, mm-hmm. et restituons la terre aux paysans, c'était aussi des grands propriétaires en Russie, des grands domaines, mais ce sont des mots d'ordre qui mobilisaient vraiment le peuple, en particulier dans les campagnes. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une particularité au Portugal, c'est que quand il y a eu un parti communiste qui s'est créé en 1921, il n'y avait pas de grand antagonisme entre les communistes et les anarchistes. Pour beaucoup de gens, c'était un peu du pareil au même. Le communisme, mmh. ça voulait dire on met les choses en commun, on donne la terre à ceux qui la travaillent. C'est la liberté, et les anarchistes, c'est un peu pareil. C'est avec retard, avec quelques années de retard, que le peuple portugais, parce que le Portugal, à l'époque, c'était un pays vraiment aux confins du tiers-monde, au bout de l'Europe, les nouvelles arrivaient toujours avec beaucoup de retard, souvent par bateau, et ils ont appris, avec un certain retard, ce qui se passait de dramatique en Russie, c'est-à-dire surtout à partir de 1920-1921, par Lénine, mm-hmm. la répression des anarchistes, à telle enseigne qu'au Portugal, ce sont des anarchistes qui ont créé le Parti communiste portugais. Ah oui. Tandis que dans la plupart des autres pays européens, les partis communistes nés après la Première Guerre mondiale, pardon, oui. sont issus plutôt de scissions au sein des partis sociaux-démocrates. Le Parti social-démocrate socialiste était pratiquement inexistant au Portugal à l'époque. Uh-huh. Ah oui, c'est intéressant. Mais dis-nous, la Commune des Lumières, où est-ce que ça arrive dans toute cette histoire? Alors, Antonio Gonçalves, nourri des lectures de Kropotkin, de Bakounine, de l'anarchiste italien, qui était aussi diffusé et connu au Portugal, Malatesta, oui. Voulait, dans la foulée des idées de Bakounine, créer une commune en Alentejo. Non pas avec la prétention qu'une commune où les gens allaient travailler ensemble en dehors du rapport d'exploitation et pratiquer la coopération, mutualiser les choses entre eux, c'était pas pour renverser le capitalisme en soi, oui. mais c'était pour donner l'exemple, pour montrer l'exemple qu'il y avait une autre manière de travailler ensemble et pour susciter d'autres communes dans l'Alentejo, au Portugal, plus largement, qui finalement, selon les thèses de Bakounine, allaient progressivement, en partant du bas, se fédérer et renverser le système capitaliste en partant du bas. Et donc, il a lancé... Antonio Gonçalves était donc représentant de commerce, je l'ai dit. Sa femme était plutôt d'origine un peu plus bourgeoise, avait un peu d'économie. Et il a acheté un terrain qui faisait 4 km², une ancienne ferme complètement à l'abandon, dans un petit village qui s'appelle le Valle de Santiago, qui est un village de 150-200 habitants, que Antonio González connaissait bien parce que c'était un village particulièrement révolutionnaire où a été fondée des organisations syndicales de travailleurs et avait été déjà victime de beaucoup de répression des forces de l'ordre et du patronat. Mmh. Et donc, il a choisi cet endroit parce qu'il avait des relais, il avait des correspondants, et aussi, pour la petite histoire, parce que le chemin de fer se développait beaucoup. Lui, il roulait à vélo, il mettait son vélo dans les wagons. Et donc, il y avait une ligne de chemin de fer tout près, une gare à 4-5 km à pied de l'endroit où il a acheté la ferme à l'abandon. Et donc, ça lui permettait en même temps d'animer la commune et en même temps de maintenir un petit flux d'activité professionnelle à travers le chemin de fer parce que, bon, il fallait faire vivre sa famille. Oui. Et sa femme ne travaillait pas. Il avait 10 enfants quand même. Ah oui, quand même. Et donc voilà pour le choix. Et alors, ce qu'il y a de vraiment particulier dans cette commune, en fait, c'est la seule commune de ce type-là. Il y en a eu en France, en Amérique latine, même en Belgique à l'époque. Mais les communes anarcho-communistes n'ont pas été très nombreuses au Portugal. Et c'est la seule à cette époque qui a vraiment connu 2 années. De développement, et ça marchait assez bien. On parlera peut-être tout à l'heure de la fin de la commune, pourquoi la commune a dû malheureusement s'arrêter. Mais, comment dire, il y a une caractéristique, c'est que cette commune des Lumières, Comuna da Luz en portugais, était une commune qui était tout à fait reliée au village. C'est pas une commune comme il y en avait d'autres à l'époque, qui était bâti dans des clairières au milieu des bois, isolé de toute vie sociale. Mmh. Ici, c'était vraiment la commune pour comme un foyer de mobilisation de l'ensemble du village. Et des villages environnants. Et donc, ce qui caractérise vraiment cette commune par rapport à d'autres, notamment les communes développées par Tolstoï en Russie, etc. En plus, c'était des communes avec pénétrer de foi catholique, etc., tandis que González était totalement mécréant, c'était justement cette liaison étroite avec les travailleurs, les paysans et le social. Oui. C'était une commune, alors aussi, très importante, parce que le papa d'Antonio González était un cordonnier. Et c'est une commune qui a fédéré une quinzaine de membres de familles de cordonniers, et qui se sont mis à fabriquer des chaussures eux-mêmes. Et c'est très, très symbolique aussi et concret en même temps. Parce que à cette époque-là, et jusque bien plus tard, les paysans n'avaient pas de quoi s'acheter des chaussures. Donc, ils gardaient les vaches ou ils coupaient le blé pieds nus. Il faut dire, j'ai été stupéfait. Moi, je suis né en 1954. J'ai rencontré le maire du petit village du Valle de Santiago aujourd'hui, et qui m'a confié que jusqu'au début des années 60, lui, il était garçon vacher, il gardait des vaches, et il allait pieds nus, quoi. Alors que au début des années 60, en Belgique, on avait quand même un certain niveau de confort. Et donc, le fait de fabriquer ensemble, sans esprit de lucre, des chaussures et des chaussures de qualité, a permis, en premier lieu, de rendre accessibles les chaussures aux paysans qui allaient pieds nus dans les champs, marchant sur des cailloux, les chardons, etc. Oui. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que bon, il a fallu construire des bâtiments, donc il y avait une quinzaine de personnes et des enfants de familles cordonniers. Il a fallu construire des bâtiments, cultiver des légumes, des fruits, etc. Et les gens du village, du Valle de Santiago, qui ne participaient pas formellement à la commune, venaient prêter main forte. Ils sont venus construire un puits pour récolter l'eau. Ah oui. Et quand ils cultivaient des légumes à la commune, des lumières, et qu'il y avait trop de légumes pour la consommation des coopérateurs, eh bien, ils offraient aux paysans les légumes. Ah oui. Toutes les semaines, il y avait une réunion au siège de l'association des travailleurs ruraux du Valais de Santiago, tout petit village hein, de 200 habitants. Et Antonio González allait avec son vélo jusque-là. Il y avait quelques kilomètres à faire sur les chemins. Et il animait les réunions en faisant de l'éducation populaire. Et ce qui est bien dans la culture de l'Alentejo, on chantait, Antonio González composait des poèmes et puis qui étaient mis en musique par des gens. Et puis la chanson devenait un outil de mobilisation. Par exemple, j'ai retrouvé une petite chanson qui est devenue un peu l'hymne du Valais de Santiago et de la commune des Lumières. Oui. Qui disait à peu près ceci: dans un petit village, on entend les travailleurs se dire les uns aux autres, plus jamais d'esclaves ni de maîtres, ni Dieu ni maître, plus d'esclaves ni de maîtres. Oui. Et voilà, c'est un l'Alentejo, je te le disais Hans tout à l'heure, c'est oui. une terre de gens à l'époque en grande proportion analphabètes, mais aussi de grande délicatesse de pensée. Et il y a toujours aujourd'hui, c'est très vivace, une tradition de poètes populaires. Il n'y a pas une fête au Portugal où avant la musique, on ne donne pas d'abord la parole à des poètes populaires, ah oui. des poètes autodidactes et parfois des vieilles personnes qui ne savent pas lire et écrire et qui récitent devant les gens sur la place des poèmes qui parlent des luttes de la vie en société, de la liberté de penser. Oui. Voilà, ça fait partie de l'âme de l'Alentejo fraternel. Oui, ben, Jean, puisqu'on parle de chansons, peut-être qu'on passe une petite chanson pour un peu alléger l'émission. Pour alléger un peu les choses. C'est super intéressant et c'est très dense aussi. Donc, c'est un petit morceau de 2 minutes. Ça va pour toi ? Je t'en prie, avec plaisir. Ouais. Revoilà sur antenne. Jean, tu m'entends ? Allô, Jean ? Oui, encore une magnifique chanson, mais là, je n'ai pas compris les paroles. apparemment, c'est une chanson de Fernando López Graça, c'est un des grands compositeurs portugais du XXe siècle. D'accord, c'est superbe. Ça s'appelle Acordai. Ça fait penser à des chants bulgares, oui. Mais je n'entendais pas très bien. Est-ce que je pourrais rajouter une petite chose, Hans ? Oui, bien sûr. Et bien sûr, tu m'interromps quand tu veux. C'est que ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant dans l'expérience de la Commune des Lumières, qui a duré quand même 2 ans, oui. C'est que je disais tout à l'heure qu'il y avait des enfants. À l'époque, l'enseignement, ça coûtait cher, l'école, c'était très autoritaire... on apprenait surtout aux enfants à obéir, à respecter les puissants. Oui. Et sur le territoire de la commune, Antonio Gonzalves a eu à cœur de développer une petite école pour les enfants, non seulement de la commune des Lumières, mais aussi accessible aux enfants du village, du Valle de Santiago. Mm-hmm. Une école qu'il a appelée École Ferrer, Francisco Ferrer. Bien sûr. Nom de notre camarade anarchiste catalan qui avait justement en Espagne, en Catalogne, fondé des écoles à pédagogie active pour apprendre accessible à tous les enfants de milieux populaires et surtout leur apprendre à penser librement, à devenir des citoyens actifs, comme on dirait aujourd'hui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que au fin fond de l'Alentejo, c'est vraiment il faut y aller quoi. C'est au milieu de nulle part. C'est un territoire immense, très peu peuplé. Je l'ai dit. Il était fondamental pour les animateurs de la commune des Lumières de créer une école Ferrer pour amener aussi les nouvelles générations à changer progressivement de mentalité. C'est l'idée, qu'on ne peut changer la société durablement, pas simplement en mettant d'autres partis politiques au pouvoir, mais en changeant les rapports des gens au pouvoir et en pouvant compter sur des militants, des camarades qui soient libres de penser, qui soient ouverts d'esprit et qui agissent en conscience et pas seulement pour suivre des chefs. Ce qui était extraordinaire, je disais tout à l'heure que cette commune de 4 km² était vraiment liée aux gens, agissait, vivait au diapason des travailleurs ruraux et de leur réalité. Mais en même temps, Antonio Gonzalves avait une culture internationale extraordinaire. Bon, il faut quand même se souvenir qu'en 1916, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. C'était par les journaux, par l'écrit, par les lettres, par le courrier qu'on s'informait. Eh bien, il connaissait les écoles développées par Francisco Ferrer en Espagne, à pédagogie active. Il cite dans plusieurs de ses écrits Rosa Luxemburg en Allemagne. Il avait une grande admiration pour Rosa Luxemburg, qui avait refusé précisément la grande boucherie de 14-18. Il citait en exemple Louise Michel. Il était favorable à Antonio Gonzalves et à la commune à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il était en correspondance avec un anarchiste assez connu à l'époque en France qui s'appelait Henri Zisli et qui avait lui-même été à l'origine de la création d'une commune assez célèbre au nord de Paris qui s'appelait le Milieu Libre. Et correspondant avec Zisli, cette commune avait échoué parce qu'elle était justement trop isolée des gens. Et Fizli avait dit à Gonzalves, avait écrit, surtout ne répète pas les mêmes erreurs. Si tu veux que ça marche, il ne faut pas s'isoler, il faut faire une commune liée en lien vraiment avec les gens au-delà des seuls coopérateurs. Et donc ce que je trouve vraiment exemplaire dans cette et plein d'actualité dans cette... dans cette expérience, c'est en même temps c'est très concret au plus près des gens et des citoyens, et en même temps cette expérience a été pensée, construite à l'intérieur d'un cadre de connaissances internationales et de solidarité internationale. Mm-hmm. Je trouve quand même assez remarquable qu'un homme comme Antonio Gonzalves connaissait Zola, connaissait les grands penseurs anarchistes, Rosa Luxemburg, Louise Michel, etc. alors qu'il avait fait 3 ans d'école primaire, alors qu'aujourd'hui on voit des universitaires qui passent 4 heures par jour ou des jeunes sur Facebook et qui ne connaissent pas la capitale du Venezuela ou le nom du premier ministre chinois ou qui pensent dans l'immédiateté sans vision universaliste des problèmes et des choses, sans penser aux interactions. Donc je trouve qu'il y a une très grande modernité finalement dans cette expérience. Oui. De petite échelle, mais grande par les idées de la commune des Lumières. Oui. Et donc la commune, ça a duré plus ou moins 2 ans. Je sais que des expériences comme les communes de ce type, souvent, ça tourne mal à cause des conflits à l'intérieur de la commune. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Oui, je pense que tu as tout à fait raison, Hans. Donc en fait, la commune d'abord, économiquement, socialement, marchait relativement bien. Bon, il faut dire qu'aussi Antonio Gonzalves, l'animateur, avait une expérience du commerce. Il fallait écouler la marchandise, les chaussures. Voilà, il fallait gérer l'argent ensemble. Sur ce plan-là, ça marchait bien parce que à un moment donné, j'ai retrouvé en lisant la presse locale qu'il avait fait paraître en 1917 des petites annonces pour recruter des nouveaux coopérateurs en plus. Donc on manquait de bras, quoi. Ça marchait bien. Et donc ça n'a pas échoué par dissension interne, comme tu le dis très pertinemment, mais parce que, en fait, le 18 novembre 1918, il y a eu un mot d'ordre de grève générale des travailleurs des villes et des campagnes au Portugal, et qui était dans l'Alentejo avec un mot d'ordre insurrectionnel, c'est-à-dire l'idée, c'était à travers la grève générale d'exproprier les latifundistes et de prendre le pouvoir sur les latifundistes et donc collectiviser les terres et les rendre aux travailleurs. Oui. Cette grève a été préparée très soigneusement pendant des mois et des mois, et malheureusement, elle a été un échec. Oui. Elle était un échec parce qu'on était en pleine grippe espagnole, épidémie de grippe espagnole, qui faisait des ravages, notamment au Portugal. Et aussi parce que le 18 novembre 1918, on est une semaine après l'armistice, et beaucoup de gens se sont démobilisés, pensant que toutes les souffrances liées à la guerre, le prix du pain, le prix des denrées essentielles, le prix de l'huile inaccessible, les gens vraiment qui mouraient de faim, que tout ça allait se terminer avec la fin de la Première Guerre mondiale. Et il n'y a que à Lisbonne, et dans les cités plus industrielles, et dans l'Alentejo, où la grève a eu un certain succès. Et le problème, c'est que le 18 novembre, les gens de la commune des Lumières et les paysans, à 5 heures du matin, se rassemblent pour pour faire grève et pour... commençaient à exproprier les propriétaires terriens, mais ils n'avaient aucune nouvelle de ce qui se passait dans les autres villages. Oui. Normalement, ils devaient en avoir parce qu'elles devaient venir par les cheminots des trains, mais les trains étaient en grève. Ils avaient pensé à tout, sauf qu'ils ne pouvaient pas avoir de nouvelles puisque les cheminots étaient les seuls travailleurs au Portugal à faire grève massivement. Et donc, ils se retrouvent à l'échelle du village. Le 18 novembre, il y a une soixantaine de travailleurs armés qui se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas. » Et ils ont décidé d'occuper le village sans savoir si ça marchait ailleurs. Le problème, c'est que ça ne marchait pas ailleurs et que la troupe, 4 jours plus tard, est arrivée au Valais de Santiago. Et ça a été un carnage. Donc, il y a eu beaucoup de blessés, une trentaine de travailleurs qui ont été arrêtés, expédiés dans des bagnes en Angola. Et les forces armées et les gendarmes, pensant que l'épicentre du foyer révolutionnaire, c'était la commune des Lumières, a envahi la commune des Lumières, a battu les coopérateurs, les cordonniers, leurs familles, ont mis le feu au bâtiment. Et ont tout détruit. À ce moment-là, Antonio Gonzalves était à Beige, il n'était pas là. Et quelques jours après, il a été arrêté, il a fait plusieurs mois de prison. Donc c'est pas pour des raisons internes, mais pour des raisons externes de la répression. Le pouvoir bourgeois ne pouvait pas supporter qu'il y ait une contagion bolchevique à l'échelle du Portugal. Et donc la répression a été extrêmement féroce. Oui, oui. Ah, c'est une histoire bien intéressante, franchement. Ça me donne envie de lire ton livre. Je vais le lire. Oui, mais voilà. J'avais promis d'en amener un, mais le problème, c'est qu'on est en rupture de stock. En fait, le livre marche assez bien. Et comme mon éditeur, Otium, que je salue parce qu'il a vraiment soigné... les éditions Otium, c'est une maison d'édition située à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue rouge de Paris. Oui. Et la maison d'édition est couplée avec une librairie qui s'appelle Envie de lire, qui marche très bien, qui comprend trois coopérateurs salariés à temps plein dans une ville de 60 000 habitants. Et en fait, c'est la seule coopérative librairie à statut de coopérative ouvrière en France. Ah, et oui. Donc, en travaillant avec Otium, c'est mon nouvel éditeur, vraiment, on était en harmonie d'idées. Uh-huh. Et je trouve que le livre a une très belle couverture. Et dès que j'aurai les bouquins, parce que pour le moment, à cause du confinement, le distributeur de bouquins ne peut plus alimenter les librairies, parce que simplement, il ne peut plus rouler. Tout le monde doit rester chez soi et toutes les entreprises sont fermées. Et donc, voilà, dès que j'aurai, je serai ravitaillé. Bon, on peut commander le bouquin dans les librairies, etc. Et on en trouve, je crois, chez Tropisme. Mais j'irai l'apporter en main propre au siège de la radio Air Libre. Ah, super. Donc, je m'excuse de pas pouvoir le donner tout de suite. Non, pour les raisons de confinement et de lutte contre j'appelle le connard de virus, quoi. Oui, mais il n'y a pas de problème, bien sûr. Et en tout cas, tu as aussi un site où les gens peuvent suivre. Oui, bien sûr. Oui, un site où je remets aussi les podcasts d'émissions, les nouvelles, plus des photos sur les ruines de la commune de Limières, des photos des grandes personnalités anarchistes qui ont contribué au développement de l'anarchie au Portugal. Et parmi ces personnes, je vais donner les coordonnées du site. Oui. Parmi ces personnes, il y en a une qui compte beaucoup pour le Portugal, c'est Élisée Reclus. Ah oui. Le géographe Élisée Reclus. Oui, qui est polyglotte. Oui. Et qui est venu en 1886 au Portugal dans le cadre des reportages qu'il faisait pour l'encyclopédie géographique dont il était responsable. Il vient au Portugal, qu'il connaissait pas du tout, il y passe quelques jours, et il profite de son séjour pour prendre contact avec les tout premiers noyaux anarchistes au Portugal. Oui. Et c'est, sa visite a vraiment servi de catalyseur de coups de fouet positifs à l'émergence des cercles anarchistes au Portugal. Et il avait, Élisée Reclus, c'était le premier avec Kropotkin, d'ailleurs, grand leader anarchiste qui était scientifique, lui était géographe, Kropotkin était géologue, oui. Si je me trompe pas. En fait, il avait beaucoup d'aura parce que Élisée Reclus avait participé à la Commune de Paris. Oui. Il avait été fait prisonnier. Il avait rejoint Bakounine après à Saint-Imier dans le Jura quand l'international anarchiste a essayé de se reconstituer après avoir été expulsé de la, oui, tout à fait. De la première internationale. Et donc son aura, son écoute, les réunions qu'il a tenues dans des petites pièces enfumées avec un petit bout de saucisson, un petit bout de pain et du vin blanc à Lisbonne, ont vraiment reboosté les anarchistes portugais. Et il avait bien compris, il disait, j'ai retrouvé des écrits de Reclus faisant une espèce de compte-rendu de son séjour au Portugal. Il dit, il y a beaucoup plus d'analphabètes au Portugal que dans les pays du Nord. C'est étonnant. Mais en même temps, ce sont des analphabètes, mais des gens très, très cultivés mm-hmm. par leur capacité à dialoguer sur des idées, leur curiosité intellectuelle et surtout le sens de la poésie et de la chanson populaire. Et je pense que cet homme-là, Élisée Reclus, eh bien, malgré son court passage, il avait tout compris. Mm-hmm. En particulier de l'Alentejo. Hommage donc à Élisée Reclus. Ouais. Oh, magnifique. Jean, je pense qu'on Alors, oui, pardon, oui, excuse-moi, pardon. Hans. Si nos auditeurs sont intéressés à aller voir mon site, c'est https://barbare. Et puis Jean Lemaître en un mot collé, oui. Lemaître comme un maître d'école, donc Jean Lemaître Point com. Voilà, et là on y trouve, je vais pas faire de la publicité, mais des informations sur mes autres livres, ma démarche d'écrivain engagé et social, et surtout beaucoup d'informations complémentaires sur la Commune des Lumières, qui encore une fois revêt pour moi une grande actualité. Au jour d'aujourd'hui où on se pose beaucoup de questions. voilà, sur la façon de mener les luttes et de changer la société. Oui, ben, merci beaucoup en tout cas, Jean. C'était un plaisir de t'avoir au téléphone et dans notre émission. Oui, un plaisir partagé. C'est la première fois que je suis invité sur les ondes de Radio Air Libre, et je sais que Radio Air Libre est est vraiment une radio qui a énormément d'expérience depuis des années, des années, des années. Et voilà. Je le dis pas pour faire plaisir, mais je pense sincèrement que Radio Libre et puis les autres radios libres à vocation culturelle à Bruxelles, elles sont pas si nombreuses, mais elles font un excellent travail de contre-information. Ça rejoint un peu le projet des anarchistes avec leur dizaine de journaux à l'époque. C'est pour lutter pour un changement de société avec en élargissant les horizons et en stimulant la pensée libre. Eh bien, il faut faire un travail de contre-information et un travail de propagation de la culture. Et je pense que c'est ce que vous faites, voilà, avec brio. Merci beaucoup. Voilà. Alors, amitié à tous. Merci beaucoup. Merci à toi. De m'avoir écouté et posé les questions et préparé le dossier, parce que je vois que tu connaissais très bien le sujet. Et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. La programmation musicale aussi. Ben ouais, ça c'était, mais j'ai eu de la chance parce que j'ai été bien avisé sur un site italien de musique et d'histoire sociale qui est très très bien informé. Voilà. Allez, bravo. Antiwarsongs.org, voilà, pour les gens qui veulent écouter. Bravo, je vais voir ce site aussi. Ok. Alors, on va se dire à bientôt, Hans. Certainement. C'est une première, mais c'est certainement pas la dernière fois. Voilà. Merci encore et bonne continuation et bonne suite de l'émission. Ok. Tranche d'anage. Bien nommé. Un beau nom. Merci, bonne soirée. Au revoir. Que tudo esperava e descobriu que a razão de um de ordem nos muros da cidade, quebrando as leis do medo, foi mostrando os caminhos e a cada um a voz, que a voz de cada era a sua voz, a sua voz. Me revoilà. Il est déjà tard, il est 10h10, mais j'ai encore quelques trucs à vous raconter, parce que tout le monde parle du virus corona, bien sûr, donc il ne faut pas forcément encore rajouter, mais il y a les oubliés aussi de cette crise, et notamment les sans-papiers et les détenus dans les centres fermés et dans les prisons. Ce sont des gens qui sont dans une situation très précaire et qui sont quelque part oubliés par les autorités, enfin oubliés par les mesures qu'on met en place. Là, je viens de recevoir un communiqué de presse de la coordination des sans-papiers de Belgique, nos chers amis. Je vais vous le lire, enfin, juste comme ça. Face à cette pandémie planétaire de coronavirus, les personnes sans-papiers de Belgique, déjà fragilisées par leur situation, deviennent de plus en plus vulnérables en ce temps de confinement. Notre désœuvrement et notre dénuement deviennent très manifestes. Le flux d'informations liées à cette pandémie nous ébranle plus qu'auparavant. En tant que population oubliée, car considérée sans droit pour suivre de cette tragédie, nous essayons de compter que sur nous-mêmes et sur la solidarité de nos soutiens ainsi que celle de nos amis belges. Le constat est qu'aucune autorité politique ni administrative ne s'est penchée sur la situation des sans-papiers. La stratégie trop segmentaire de la prévention en santé publique des diverses autorités fédérales, régionales et communales nous exclut. En dépit de cet abandon, la coordination des sans-papiers, qui soutient avec force les mesures prises jour après jour par le gouvernement pour endiguer cette pandémie, a pu sensibiliser les sans-papiers qui vivent dans les occupations à partir des informations collectées ça et là, afin que les consignes des autorités fédérales soient observées au pied de la lettre par ces derniers. Comme geste solidaire, le collectif de femmes sans-papiers de Liège confectionne des masques chirurgicaux. La coordination des sans-papiers estime qu'avec les pouvoirs spéciaux qui sont conférés au gouvernement fédéral, il est plus que temps de prendre en ligne de compte tous les exclus de la société que sont les personnes sans papier. Il ne faut pas oublier, il s'agit d'une population qu'on estime à plus ou moins 150 000 en Belgique. Pour ce faire, pour la santé de tous et de toutes et le bien-être de tous et de toutes, la coordination des sans papiers demande Madame Sophie Wilmès, notre première ministre, à tous les membres et à tous les membres de son gouvernement de faire parler leur cœur en décidant sur... Bon, et puis il y a les revendications qu'on connaît. D'abord, les sans-papiers veulent des papiers. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais voilà. Les droits passent apparemment par les papiers. Donc, il y a le problème des sans-papiers. Bien sûr, il y a aussi des problèmes dans les centres fermés. Je vous invite à aller voir sur le site de Getting the Voice Out. J'ai un enregistrement qui a été publié sur le site. Je ne sais pas s'il est hyper compréhensible, mais je vais quand même le passer. Donc, c'est un témoignage d'un monsieur qui se trouve dans le centre fermé de Votem pour l'instant. Il y a donc certaines personnes sont libérées des centres pour l'instant, notamment les gens qui ce qu'on appelle les Dublinés, qu'on doit expulser vers l'Italie. L'Italie ne laisse pas faire, donc on ne peut pas les expulser. Du coup, en fait, légalement, on est obligé de les laisser partir parce qu'on peut seulement enfermer des gens dans les centres fermés dans le but d'une expulsion. Donc s'il n'y a pas d'expulsion possible, voilà. Il y a certaines personnes, effectivement, qui sont libérées, mais bien sûr, tout le monde veut sortir, c'est normal. Et ça crée beaucoup de tensions et il y a des mouvements de grève de la faim, par exemple, pour l'instant. Mais je vous propose de passer, ça parle plus, je vous propose de passer le petit morceau avec le témoignage que j'ai trouvé sur le site gettingthevoiceout.org. On a peur. Nous, nous sommes à l'intéressé. Il y a des cas comme moi, beaucoup de gens qui ont des familles extérieures. Nous, on a peur. Une chose, une personne qui travaille, qui est en contact extérieur, une maladie. Nous, nous sommes enfermés ici. On ne sait rien faire. Les gens, pour le soin et tout ça, ça va. Ils s'en occupent. Maintenant, c'est diminué. Pourquoi? Parce que ils ont aussi des personnels qui viennent plus travailler. Ils ont pris du congé. Ça tourne pas comme avant. Au début, il y avait trois, quatre personnes qui rentraient. Il y avait deux, trois personnes qui sortaient. Une personne, deux personnes rentraient. Trois, quatre personnes qui rentraient. Maintenant, il y a pas autant de sorties, mais l'entrée, il n'y a plus. Ils ont bloqué tout ça. Okay. Maintenant, moi, je comprends pas une chose. Tous les aéroports, ils sont arrêtés. Ils sont, Italie, France, Allemagne, Irak, Afrique, ou quoi, ils sont arrêtés. À quoi ça sert de nous garder ici? Mais moi, je parle pas rien que moi, vous savez, je parle pour tout le monde. Je parle pas rien que moi, pourquoi? Parce que je connais un petit peu la loi, je sais bien comment ça fonctionne, tout ça. Mais à quoi ça sert de nous garder ici? Si quelqu'un est d'extérieur, un personnel qui vient, avec une maladie, qui va le contaminer, mais ici, les gens, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Est-ce que vous pouvez imaginer l'engrenage qui s'appuie aller loin? En Italie, pourquoi les gens, ils ont révolté? Il y a eu l'évasion, ils ont mis le feu dans les prisons. Pourquoi? Parce qu'il y a une personnelle, il est entré avec une maladie, il a contaminé les gens, et les gens, ils ont pété le plomb, et voilà. Et nous, on a peur aussi de la même chose. Ils ont contact extérieur. Nous, on n'a contact avec personne à l'extérieur. On n'a pas de contact. On est toujours enfermé. Les gens, maintenant, ils ont pris une décision. Tout le monde a fait une grève de la fête. Ce soir, on commence. Déjà, dans 20 ans, ils sont commencés. Ils ont descendu en préau. Je parle de Bruxelles, hein. Ils sont descendus en préau. Ils ne sont pas montés. Et on a des contacts avec des amis de l'extérieur. Ici, ils font des grèves de la fête. Ils sont descendus très haut, ils sont pas montés, les directeurs, tout ça, ils sont tous venus. Ils ont expliqué qu'ils avaient écrit, où ce qu'ils devaient écrire, où passer, vous voyez. Et ils attendent une réponse, il y a deux, trois jours, ça va se... Maintenant, on va avoir des sous à manger. Et nous, on se met en accord, tout le temps, qu'on va pas l'accepter de manger. C'est peut-être qu'il y en a quelques heures qui vont l'accepter, mais ça, c'est le problème. Mais nous, on va pas l'accepter. On a pris une décision. On va se mettre en droit de faire. Et on va voir la suite des résultats. Ici, il y a des gens qui c'est pas acceptable. Il y a des choses qui, tout ce qui se passe ici est injuste. Tout ce qui se passe ici, je l'ai fait bien. Voilà, il se passe des choses comme ça. Quand on essaie de se suicider, heureusement qu'on a eu un dernier moment, on l'a sauvé. Je suis ici, il a eu du suicide, de totalité du suicide. Il a voulu se prendre. Et je suis ici là. Ça fait un mois. Il y en a eu déjà deux cas. Et je ne sais pas, il y en a eu déjà combien avant. Ouais, c'est pas acceptable. On se croit en prison. Ça va, il y a des gens qui sont venus clandestinement parce qu'ils n'étaient pas bien dans le pays. Ça, je comprends. Ils sont en guerre ou quoi, je le comprends. Tout à fait. Mais on refermait comme on était des criminels ou que on est des simples gens on est des simples gens. Il y a des fils de barbelés, il y a une surveillance, mamara, et des gens qui savent pas parler. Il est venu de l'Afrique ou il est venu d'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on peut ces personnes-là? En faisant une grève de faim, en se sentant tortureur soi-même, qui doit obliger qu'il bouge quelque chose. Je sais pas. Je n'ai pas peur de quoi qui va m'arriver. Je n'ai pas peur, même s'ils vont m'expulser, je n'ai pas peur. Parce que j'aime pas la justice. Dans la vie, c'est ce que je déteste, c'est la justice. Pourquoi? Parce que j'ai eu tellement de réussite dans ma vie que par ma famille ou quoi, ça me bloque. Voilà, je vais vous dire bonsoir, à la prochaine. Il n'y a pas d'agenda, tout est annulé, je pense. Mais ce qui n'est pas annulé, c'est ni Radio Air Libre, ni Tranche d'Anard, fidèle au poste. Pour la semaine prochaine, Donc c'est le dernier mercredi du mois et ça veut dire que la Lapinothèque reprend l'émission. On ne sait pas encore comment on va faire parce que quand les lapins et les lapines arrivent, on est souvent très très nombreux au studio et c'est peut-être pas le bon plan. En plus, je ne suis pas sûr s'il y aura un technicien. Donc il est possible que les lapins vont pré-enregistrer une émission dans leur coin et que ça va passer la semaine prochaine. Alors. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.